Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Sujet sérieux, Roy Moore, encore une fois, ben oui, je suis comme ça, moi. Ben, il a perdu. J'aurais jamais cru ça, honnêtement. Il a perdu. Je m'attendais pas à ça, remarquez bien, parce que je prenais pas pour lui, hein, puis je perds toujours mes élections. Mais non, il a pas gagné. Roy Moore, c'est le juge de l'Alabama, un ultra-conservateur évangéliste à chapeau de cow-boy qui va voter à cheval, vous vous souvenez de ça, hein, qui porte son fusil à sa ceinture, un abuseur d'enfants soutenu à 100% par Trump, ben, il a perdu. Non, je m'attendais pas à ça parce que les États-Unis ont quand même le don de me décourager plus souvent qu'autrement. Hein. C'est le démocrate Doug Jones donc qui a gagné par une toute petite marge, hein, 49,9% des voix contre 48,4% pour Roy Moore. Il y a quelque chose comme un peu plus de 20 000 votes là, de différence. Là. C'est vraiment pas grand-chose. On n'avait pas vu de sénateur démocrate en Alabama depuis 1992. On pensait que la participation au vote tournerait autour de 20 ou 25%, ben ça a monté à 35%. C'est pas fort, là, mais ça a été suffisant, quand même. Mais il y a quand même 650 000 personnes qui ont voté pour Roy Moore. 650 000 personnes qui se sont dit « Moi, là, c'est ce gars-là que je veux. » Abuseur d'enfants, fanatique religieux, pas grave. Ça pose de très sérieuses questions sur l'état d'une société, hein. La gang de Roy Moore, d'ailleurs, le présentait comme l'homme de Dieu. T'sais. Fait que Dieu, c'est un homme. Hein? C'est clair, voyons. C'est un blanc. Écoute, c'est sûr qu'il n'est pas noir, t'sais. Voyons. Mais non, c'est pas une femme non plus, là. Hey, jamais. Dieu, là, s'il existe, c'est sûr que c'est un homme blanc, conservateur, chrétien, républicain. C'est sûr. Ça peut pas être un noir. Encore moins une femme noire. Écoute, ben, encore moins une femme noire lesbienne. Hey, oubliez ça, là. Ça, c'est impossible, là. Non, c'est un blanc. C'est un cow-boy. Et c'est le même monde qui dit que les musulmans, c'est des fanatiques, tu sais. Pendant qu'ils voyaient les chiffres de Moore qui descendaient, les républicains sur place disaient « Faut pas se décourager, on s'en remet à Dieu. God va arranger ça. » Ben, Dieu, il a pas arrangé ça. Ou peut-être que oui, justement, je sais pas. Mais les dieux, dans ce cas-ci, c'est la communauté noire d'Alabama, les Afro-Américains, hein. C'est eux autres qui ont sauvé l'Amérique. Pour vrai, là. Les Afro-Américains, donc les hommes, ont voté à 93% pour Jones et les femmes afro-américaines à 98% pour Jones. Tiens-toi. Et les Blancs? Ah, ouais. Tu sais, les gentils dans l'histoire, selon les républicains de l'Alabama, ben les hommes blancs ont voté pour Moore à 72% et les femmes blanches à 63%. C'est incroyable quand même. Des femmes qui sont allées voter pour dire que l'abuseur d'enfants, là, c'est notre homme. Et plus encore chez les hommes, hein, bien sûr. Mais vous, là, vous êtes où dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, là, ces gens-là qui votent comme ça? Puis après ça, vous dites que c'est les autres, hein, les fanatiques, là, les terroristes. Il faut savoir que c'est un coin du monde où avoir son gun, ben ça va de soi. C'est un coin du monde qui fait tout son possible pour empêcher les Afro-Américains de voter. D'ailleurs, on déplace des bureaux de vote. Je sais pas si vous saviez ça. On les ferme ou on les change d'endroit dernière minute. T'sais. On invalide des inscrits, on complique l'inscription. T'sais. C'est beau, l'Alabama. L'Alabama des Blancs, oh, ça fait dur. Mais aujourd'hui, l'Alabama, grâce à ses femmes et ses hommes de raison, a un visage un peu plus présentable, un peu plus respectable. Et ça, ben, c'est tant mieux. Bienvenue à Econophile. Ah, Voyez notre époque noyée dans le médiocre que la démocratie génère. Nous sommes jusqu'au cou englués dans la boue qui s'écoule des isoloirs. Regardez ces masses, leur ignorance crasse. Regardez ceux qu'ils ont élus. Oui, là j'en suis sûr, amis, nous sommes mûrs pour la dictature de la vertu. Vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, on est là. Vous allez sur la page, sur Facebook, pour nous suivre, Econophile891. Et puis, pour trouver le blog, ben, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben, vous allez sur Econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, on y trouve la balado, hein, qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans cette section émissions. Dans des camps lugubres, sombres et insalubres, on enverra les dissidents jusqu'à ce que leur âme secrète du politically correct. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour, David Lemelin. Écoute, on commence ça fort. Ça me tentait. Mais on finit l'année 2017 fort aussi avec un livre, Jean-Claude, « Désobéir et grandir vers une société de décroissance ». Oui, en fait, c'est le livre d'un Français. En fait, c'est une réédition également, parce que c'est un livre paru originellement en 2009, mais qui vient d'être réédité. Je me demande si c'est peut-être même disponible présentement à la librairie au Québec, là, l'éditeur Éco-Société. Oui. C'est un livre qui fait rêver un peu. Je pense que c'est de circonstances dans cette période de l'année. On va essayer d'imaginer un monde meilleur grâce à M. Arias. Juste avant d'acheter des cadeaux. Et Paul Arias, d'ailleurs, c'est un politologue, rédacteur en chef de la revue Les Indignés, directeur de l'Observatoire international de la gratuité et auteur de nombreux ouvrages. Donc, si le nom vous dit quelque chose, c'est bien normal. Je me suis entretenu avec l'auteur qui a le verbe facile. Vous le verrez. Vous l'entendrez, en fait. Et vous m'entendrez essayer de l'interrompre. Juste ça, c'est... Mais tu sais, regarde, il est parti. Mais je trouve ça lui va bien. Il est généreux, il est volubile, il est charismatique aussi, agréable à écouter. Vous verrez qu'on passe un bon 20 minutes avec lui, d'ailleurs. Et puis, question de la semaine, Jean-Claude, quelle est-elle? La question de la semaine, c'est quel pourcentage des travailleurs là, dans la région métropolitaine de Québec, donc dans le Grand Québec, qui se rendent au travail en transport en commun en 2016? C'est des résultats de l'enquête de Statistique Canada de 2016, du recensement de 2016. Donc, on laisse ça en réflexion à nos auditeurs. Quel pourcentage utilise le transport en commun? Réponse en fin d'émission. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Ouais. Bicyclette, pourquoi pas l'hiver, c'est possible. Je vous lis un premier extrait de cet ouvrage de Paul Arias qui nous interpelle, qui parle de décroissance. En fait, ça va comme suit. La décroissance semble être une idée neuve dans le monde occidental. Elle recycle pourtant beaucoup de thèmes déjà croisés dans l'histoire, de la pauvreté évangélique au droit à la paresse de Paul Lafargue. Cette façon de revisiter le vieil impératif moral de frugalité au nom d'un minimalisme jugé nécessaire pour se retrouver soi-même et retrouver les autres, marche dans les traces des critiques des années 60-70 du productivisme et du consumérisme, mais s'inscrit cependant dans un contexte totalement inédit. Être objecteur de croissance aujourd'hui, c'est se situer dans le cadre de la menace d'un effondrement écologique et environnemental global. C'est prendre conscience que, pour la première fois dans l'histoire mondiale, le temps de la nature va plus vite que le temps politique, celui de la maturation des projets et de la conquête des esprits. C'est également prendre acte de la victoire de la contre-révolution conservatrice à la suite de la faillite des grands systèmes de pensée issus des 19e et 20e siècles. Échec du socialisme réellement existant, échec de la social-démocratie reconvertie en social-libéralisme, échec du libéralisme économique, mais aussi d'une certaine écologie politique incapable de lier les questions environnementales et sociales. La décroissance n'appartient à personne. Elle est un mot obus qui sert à pulvériser la pensée dominante dont nous sommes tous héritiers. Elle est aussi un chemin de crête qui peut déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Le meilleur est cette tentative de concilier les contraintes environnementales et le souci commun de justice sociale. Le pire serait d'en faire un instrument au service des puissants afin de délégitimer les combats des plus faibles. Salaud de pauvre, qui osez encore revendiquer alors qu'il y a plus pauvre que vous. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Ouais, je trouvais que c'était une bonne introduction quand même, la complainte du progrès. Jean-Claude, commençons tout de suite avec ce livre-là. J'ai lu une partie d'introduction qui servait à parler un peu de décroissance. En théorie, c'est la thématique centrale du livre, la décroissance. Mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Non, je pense que moi aussi, j'étais un petit peu déçu dans le sens, mais moi, c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'on sait très bien, on en parle souvent à l'émission, tout le système économique actuel est basé sur la croissance. On veut toujours que ça continue de croître, puis on sait très bien qu'on s'en va dans un mur. Moi, j'espérais que M. Ariès nous montre un espèce de modèle plus théorique ou empirique, là, comment ça pourrait fonctionner, la décroissance. En réalité, ce qu'il fait, c'est plus, d'ailleurs, il se qualifie lui-même d'objecteur de croissance. Ouais. Un jeu de mots là, en rapport avec les objecteurs de conscience en matière politique. Et dans le fond, c'est plus son opposition à la croissance. Il dit qu'il faut arrêter d'être obsédé par la croissance. Soit le message est très pertinent, est très intéressant, est très valable, mais il ne faudrait pas espérer trouver dans le livre des recettes pour comment ça fonctionnerait, ouais, la décroissance, ouais, quelles seraient les conséquences dans différents secteurs de l'économie, etc., etc. Fait qu'il fait plus appel, dans le fond, à un changement d'attitude, changement de culture, pour arrêter de privilégier toujours l'acquisition de biens, de services et de services supplémentaires, l'augmentation sans arrêt du pouvoir d'achat. Oui, on est davantage, dans le fond, dans la philosophie, c'est pas un économiste, là, c'est pas une thèse d'économiste, c'est vraiment dans des valeurs humaines. Il parle de simplicité volontaire plus que d'autres choses. C'est un changement de culture. Je sais que c'est un mot qui est souvent galvaudé, là, qu'on utilise à tort et à travers, mais c'est littéralement ça. Dans le fond, c'est que, moi, je le voyais un peu, ça aurait fait un drôle de titre, là, mais c'est un délibéralisme, finalement, une délibéralisation par opposition au néolibéralisme, ou à la vision libérale de l'économie qui consiste à dire que tout le monde fasse ce qu'il veut, comme il peut, le plus vite possible, le plus possible, sans ingérence de l'État. Lui, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment un esprit anti-libéral, anti-néolibéral, dans le sens qu'il dit, ben là, ça va faire, là, la croissance à tout prix. Y a-t-il moyen de regagner, gagner le contrôle sur nos vies? Parce qu'il dénonce très bien là-dedans, c'est très convaincant, il disait que la course à la consommation, ça a toutes sortes de conséquences néfastes, dans le fond, dans la vie des individus, des couples, des familles, etc. C'est-à-dire que le temps ne nous appartient plus, on est toujours en train de courir pour davantage de pouvoir d'achat. Puis là, il démontre très bien, il illustre très bien en disant, ça donne quoi d'avoir deux, trois autos, d'un téléviseur dans chaque chambre, à coucher, faire des voyages sans arrêt, s'il faut courir sans arrêt puis arriver essoufflé le 15 décembre, comme c'est notre cas à toi et moi, David. Bien, ça va ressembler à ça, oui. Et en même temps, je trouve ça drôle parce qu'on parle des décroissances de consommation, on parle d'un livre qu'on espère que les gens vont acheter. Mais quand même, écoute, mais effectivement, il, ce dont tu parles, c'est-à-dire revenir un peu à cette espèce d'humanité qu'on se trouve à perdre avec le temps. J'en lirai un extrait d'ailleurs tantôt, ça va être très intéressant. Que dirais-tu si on écoutait Paul Ariès pour tout de suite et qu'on commentait par la suite? C'est un petit 10 minutes en sa compagnie. Allons-y. Ça te va? On y va. Déjà, le titre « Désobéir et grandir », moi, c'est le mot « désobéir » qui m'intéresse parce que vous nous trouvez dociles ou quoi? Alors pour moi, la désobéissance est une vertu, je dirais, humaine et citoyenne tout à fait essentielle. Aujourd'hui, il y a une sorte d'injonction à la croissance économique. Je dirais, peu importe finalement la couleur politique de cette croissance, hein, qu'elle soit bleue avec la droite, qu'elle soit rose, rouge avec la gauche ou parfois même verte avec l'écologie. Il faudrait nécessairement communier dans ce dogme de la croissance illimitée, c'est-à-dire dans cette idée que plus serait forcément égal à mieux. Et c'est vrai que j'ai eu envie de pousser un coup de gueule et de dire aux gens, vous avez raison de désobéir, c'est-à-dire raison de refuser d'être des forçats du travail et des forçats de la consommation. Chaque année, je co-organise avec des villes en France le Forum international de la désobéissance. Et chaque année, c'est l'occasion de faire converger des formes de désobéissance très différentes. La désobéissance individuelle, c'est-à-dire ceux qui se refusent comme étant finalement victimes de l'agression publicitaire, du marketing, la désobéissance professionnelle, par exemple ces postiers qui refusent d'appliquer les nouvelles directives de l'entreprise poste qui conduisent tout simplement à vendre les produits les plus rentables et non pas à rendre service, ou même les villes désobéissantes, c'est-à-dire des villes qui choisissent non pas par amour de l'égalité, mais lorsqu'une loi est peut-être considérée comme mauvaise, eh bien c'est nécessaire de désobéir. Je vous donne un exemple, moi je suis partisan d'avancer vers une société de la gratuité des biens communs et des services publics. En France, comme dans beaucoup de pays, il est interdit au nom de la concurrence d'instaurer, par exemple, la gratuité des services funéraires. Eh bien, des villes choisissent de désobéir parce que je suis convaincu que cette question, effectivement, de la gratuité des services culturels, des services funéraires ou culturels, est aussi un grand enjeu pour la société. Regardez comment le capitalisme, pour pouvoir déployer pleinement sa logique, a dû évacuer la mort. Non seulement aujourd'hui, nous n'avons presque plus le droit d'être malade, nous n'avons plus le droit de vieillir à tel point que le mot « vieux » est devenu une insulte, mais il faudrait presque se cacher pour mourir. Moi, je suis convaincu qu'il faut remettre la mort au centre de la vie, mais pas pour être morbide, pour au contraire être pleinement jouissif. Et puis, peut-être que si nous avons pleinement conscience de nos propres finitudes, de nos propres limites, eh bien, nous accepterons plus facilement les limites qui sont celles de la planète. Et puis également, si nous sommes tous égaux devant la mort, peut-être que nous accepterons davantage de l'être davantage dans la vie. Donc désobéir, oui, mais désobéir pour aller vers, je dirais, le désir de la grande vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les thématiques que vous abordez, bon, évidemment, d'emblée, on pourra ici, probablement chez vous aussi, penser, tiens, c'est la gauche. Or, vous pointez les deux, hein, vous dites, gauche et droite, vous devez vous regarder dans la glace, là. Oui, c'est-à-dire qu'il est évident que ce culte de la croissance économique, il est partagé, alors il est partagé bien sûr déjà par la droite. Je dirais, il ne peut pas y avoir de capitalisme qui ne repose pas sur la croissance économique. C'est-à-dire que le capitalisme a besoin de marchandiser toujours plus de domaines de nos existences. Mais ce que l'on a vu, et c'est une des grandes tragédies du XXe siècle, c'est comment les idéaux socialistes et communistes se sont, je dirais, reconvertis tout simplement en barbarie avec ce qui a été le stalinisme. C'est-à-dire qu'on a eu la même folie industrialiste, la même folie productiviste. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est au nom des mêmes valeurs, c'est-à-dire tout simplement davantage de justice sociale, davantage de justice écologique et davantage de justice politique, qu'il faut réinventer des nouveaux chemins d'émancipation. Et je suis, moi, très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui fleurissent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Par exemple, en Amérique du Sud, on a ce qu'on appelle le buen vivir, le bien vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on a le plus vivre. En Inde, il y a ce qu'on appelle la vie pleine. Alors, vie pleine, plus vivre ou bien vivre, c'est autant de façons de dire que la solution, elle n'est pas du côté du toujours plus. Mais je dirais qu'en même temps, il faut être lucide, on peut reprocher tout ce que l'on veut, il faut le faire, à la société d'hyperconsommation. Il faut reconnaître que cette société nous fait jouir. Il y a de la jouissance à consommer toujours plus. Alors bien sûr, c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, c'est une jouissance d'emprise, c'est le toujours plus de richesse économique, toujours plus de pouvoir sur les autres ou sur la nature. Mais tant qu'on n'aura pas un projet qui apportera encore plus de jouissance, eh bien, tout simplement, on ne pourra pas y arriver. Et la seule autre forme de jouissance qu'on puisse opposer à la jouissance d'avoir, c'est la jouissance d'être. C'est se souvenir que l'être humain est d'abord un être social. Et moi, ce qui me donne véritablement de l'espoir très franchement, faut-il espérer ou désespérer, ça dépend un peu des matins. Mais ce qui me donne quand même de l'espoir, c'est de constater que les gens ordinaires, que les 99%, comme on dit, face au 1%, ils n'ont pas comme objectif de vie d'imiter les puissants. Ça, c'est ce que les puissants aimeraient croire. Il y a quelques années, le grand publicitaire français, le publicitaire du système, Jacques Séguéla, disait que si à 50 ans, on n'avait pas de montre de luxe, on avait raté sa vie. Moi, j'ai 58 ans, mais j'ai toujours pas de montre de luxe. Mais c'est pas d'abord parce que j'en ai pas les moyens financiers, c'est parce que j'en ai pas le désir. Sauf que les puissants n'arrivent même plus à imaginer qu'on puisse avoir d'autres désirs qu'eux. Et j'ai tendance à penser que dans les milieux alternatifs, dans les milieux de l'écologie et dans ce qu'on appelait traditionnellement les milieux de gauche, on a trop tendance à accepter la définition que les puissants se font des gens ordinaires. C'est-à-dire toujours une définition en termes négatifs. En économie, le manque de pouvoir d'achat, en culture, le manque d'éducation, en psychologie, le manque d'estime de soi, en politique, le manque de participation. Tout ça, c'est peut-être vrai en partie, mais ça masque l'essentiel. L'essentiel, c'est que les 99%, nous tous, les gens ordinaires, nous ne sommes pas des riches auxquels ne manquerait que l'argent. Et que nous entretenons, au moins potentiellement, des rapports au travail, des rapports à la consommation, des rapports à l'espace, au temps, des rapports à la maladie, au vieillissement, donc à la vie, différents de ceux des milieux dirigeants. Et c'est là où effectivement, ça donne du cœur à l'ouvrage. Parce que le grand enjeu, si on veut réussir la transition écologique, c'est cette capacité à donner envie, à susciter le désir. Je dirais que c'est pas en tenant un discours culpabilisant du type « salaud de pauvre qui osait encore consommer alors qu'il y a le feu à la planète » ou c'est pas en appelant à la responsabilité, en alignant des chiffres qui sont effectivement très inquiétants, qu'on peut y arriver. Je dirais que ce discours culpabilisant, il peut même éventuellement développer un sentiment d'impuissance, voire même un cynisme. Si tout est foutu, pourquoi se priver ? Le philosophe Gilles Deleuze disait « Seul le désir est révolutionnaire ». Donc pour moi, le grand enjeu aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est effectivement d'arriver à construire un nouveau projet émancipateur qui donne envie. Et puis, il faut le reconnaître, on n'a sûrement pas réponse à tout. Mais j'aime bien cette formule d'un poète espagnol, Antonio Machado, qui disait « Le chemin se fait en marchant ». L'essentiel, c'est de mettre la société en mouvement, et j'ajouterais aussi d'y prendre du plaisir. Donc il faut réinventer de nouvelles façons de faire de la politique. Moi, je comprends très bien mes amis africains, mes amis d'Amérique du Sud ou d'Asie qui me disent « Mais comment est-ce que vous faites, par exemple, en Europe, mais c'est aussi en partie vrai au Québec, pour faire une politique qui soit aussi ennuyeuse ?» C'est-à-dire que quand on va effectivement dans les pays du Sud, il n'y a pas de politique sans fête, sans musique, sans danse. Nous faisons de la politique de façon, j'allais dire, trop sérieuse, à partir de grandes questions abstraites. Eh bien, cette façon de faire de la politique, c'est malheureusement trop souvent la façon qui profite tout simplement aux puissants. Ça vous donne une idée, hein? C'est comme ça, il n'y a pas de montage, là. Je l'ai laissé intégralement, j'ai rien. Parce que des fois, j'enlève mes questions pour une question de fluidité, là. Écoute, c'est comme ça, sans arrêt. Mais en même temps, son écriture est aussi comme ça. Il est volubile, il tire à peu près sur tout ce qui bouge. Mais en même temps, tu vois, je trouve que ce discours-là a l'air de... Même son livre a l'air d'une espèce d'appel, d'un mouvement de militants, plus que d'une explication tout à fait rationnelle de comment on va faire et où est-ce qu'on va aller. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, le livre. Oui, ben, je pense que tu as fait raison, David, parce qu'effectivement, c'est un livre très touffu, mais c'est toujours intéressant. Il va un peu, comme tu dis, dans plusieurs directions, court plusieurs lièvres à la fois. Je ne sais pas s'ils attrapent tous, mais sauf que c'est toujours intéressant puis amusant. Puis je pense que ce n'est pas des mauvaises idées en soi, sauf qu'on se dit, ouais, mais là, on n'est pas parti vraiment dans cette direction-là. Mais, moi, ce que j'ai. Dans le fond, ce qui est remarquable là-dedans, c'est, comme je le disais tantôt, c'est vraiment un anti-libéral, dans le sens que lui, il croit beaucoup au rôle de l'État. Ouais. Il mentionne, il dit l'État, là, quel que soit le niveau, fédéral, provincial, municipal, a beaucoup de choses à faire, puis il donne des choses aussi concrètes que l'heure d'ouverture des magasins, les règlements en matière de bruit, par exemple, les équipements collectifs, les façons d'aménager les villes, etc. Donc, il y aurait beaucoup de choses très concrètes dans la vie des citoyens si les pouvoirs publics veulent bien s'en occuper et être sensibilisés à ça. Oui, parce que c'est une chose qu'on observe depuis des décennies. C'est, il y a une chose qui a été une réussite du côté notamment néolibéral et autres courant du même acabit, c'est de présenter l'État comme un adversaire. Alors que l'État, c'est nous. Hein. Ben, les néolibéraux présentaient l'État comme une source de coûts, un embêtement. Ouais, un problème, quelqu'un oui. Qui nous empêche de faire ce qu'on veut, puis en plus, ça nous coûte de quoi. Donc, ouais. c'est comme des bâtons dans les roues, l'État, pour les néolibéraux. Une idée qui est intéressante, que moi, j'aime beaucoup, il faudrait en faire une émission là-dessus là, dans les prochaines semaines, il reprend un peu, sans le mentionner, la formule d'Arthur Pigou, un économiste du début du 20e oui. siècle, des taxes, on appelle ça même des taxes pigouviennes, c'est-à-dire charger des tarifs spéciaux, des taxes spéciales pour décourager certaines consommations qui sont jugées comme nuisibles à l'environnement ou peu importe là, les raisons. Donc, la taxe sur le carbone rentre là-dedans, par exemple. Lui, il donne beaucoup d'exemples, des exemples très concrets. Là, dire, par exemple, on devrait, pour la consommation d'eau, pour remplir une piscine, ça devrait coûter beaucoup plus, être tarifé, taxé beaucoup plus que la consommation d'eau pour laver son linge ou pour s'approvisionner en eau potable, tout simplement. Parce qu'on comprend que c'est l'incitatif monétaire qui est quand même toujours la source. Hein. C'est donc pas une réflexion ou un geste pour soi, mais en soi non plus, mais vraiment parce que ça coûte quelque chose. Bien, curieusement, dans ce cas-là, il joue vraiment la règle économique à dire si c'est vrai que l'homo economicus réagit beaucoup aux signaux monétaires, bon, on va jouer ça à fond de train, on va jouer vraiment cette carte-là, donc en tarifant différemment les choses qui sont plus nuisibles que d'autres. Et il y a aussi, il se méfie beaucoup de la technoscience. On avait ça comme note. Effectivement, quand on lit ces passages-là, c'est quelqu'un qui pointe du doigt différents éléments. On pourrait en nommer plein. Là. Tu sais, j'en ai noté une foule. Il parle de travail, alimentation, malbouffe. On reviendra un petit peu plus tard, mais je sais que technoscience, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, notamment. Ben moi, je pense que ça fait partie de sa critique du monde libéral, du néolibéralisme, parce que souvent, les néolibéraux vont dire « Ouais, mais inquiétez-vous pas trop pour l'avenir de la planète. On va trouver des solutions. » Comme là, présentement, pour régler les changements, les gaz à effet de serre, les changements climatiques, on pense faire de la géo-engineering, c'est-à-dire envoyer des particules dans l'atmosphère. Ça commence à être drôlement risqué. Fait que lui, il se méfie beaucoup de ça parce qu'il dit que c'est une porte de sortie que les néolibéraux se ménagent, mais alors qu'il n'y a rien de prouvé, des fois, ça peut être nuisible. Mais il s'attaque à des bonzes là-dedans. Il va critiquer, par exemple, des Joël de Rosnay, des Michel Onfray, Hervé Kempf, qui sont des best-sellers, là, des auteurs à grand succès. Ils n'ont pas dû aimer ça. Michel Onfray, d'ailleurs, qui déteste. Dès qu'on dit un mot contre lui, ça a dû faire dresser les cheveux sur la tête. Exactement, oui. Je vais lire un petit segment, si tu le permets, avant de nous conduire à la pause, puis ensuite on reviendra avec l'autre partie d'entrevue où on va justement aborder ces questions, notamment de développement durable. Il explique un peu son opinion dont il parle dans son bouquin. Ça va comme suit. Donc, les objecteurs de croissance ne se veulent pas partisans d'une décroissance économique faute de mieux. Ce n'est pas parce qu'il y a urgence environnementale qu'ils souhaitent en finir avec le productivisme. Selon eux, même si une croissance économique infinie était physiquement possible, la volonté de rester tout simplement des humains serait une raison suffisante de la refuser. Notre société a totalement sombré dans la démesure considérée comme la faute suprême par les Grecs anciens. Nous avons perdu la capacité de nous donner des limites, car la dictature économique, l'idée que plus serait égal à mieux, a réveillé en chacun les fantasmes les plus archaïques, culte de la toute-puissance, idée d'un monde sans limites, etc. Les individus incapables de se donner des limites vont nécessairement les chercher dans le réel, développement des conduites à risque, toxicomanie, suicide des plus faibles, etc. Une société incapable de se donner des limites va aussi chercher dans le réel, épuisement des ressources, réchauffement planétaire, explosion des inégalités sociales. La seule alternative à la violence économique consiste donc à renouer collectivement et individuellement avec notre finitude, avec la lenteur et avec le sens des limites. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1. C'est KRL, c'est David Lemelin au micro en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle du livre « Désobéir et grandir » de Paul Ariès. Un livre qui, oui, comme on le disait, tire dans toutes les directions, qui n'hésite pas non plus à nous forcer à repenser nos acquis, les concepts, comme par exemple le développement durable. Pointer du doigt aussi ce qu'on pourrait appeler de l'imposture, hein, parce que on va quand même essayer de se draper de certaines des vertus, le capitalisme vert. Vous pointez même aussi le développement durable en disant, ouais, bon, faut faire attention, on parle d'idéologie peut-être davantage que d'autres choses. Hein. Ben, le développement durable, finalement, c'est comment polluer un peu moins pour pouvoir polluer plus longtemps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas de remettre en cause les logiques mêmes du système. Mais aujourd'hui, globalement, à part quelques uberlulus, tout le monde est d'accord pour dire que nous allons dans le mur. Tout le monde est d'accord pour dire que l'agriculture productiviste ne sera pas capable demain de nourrir 10 milliards d'humains. Mais face à ce constat, eh bien, il y a ceux, les puissants, les grandes firmes économiques, qui pensent qu'il serait possible de sauter par-dessus le mur, et d'aller effectivement vers l'adaptation de la planète avec la géo-ingénierie, c'est-à-dire des projets visant finalement à s'emparer de la maîtrise du climat à travers de nombreuses techniques qui relèvent de l'ingénierie. Et puis les mêmes pensent également qu'il faudra pas seulement adapter la planète, mais adapter l'humanité avec ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est-à-dire que l'être humain tel que vous êtes ou tel que je suis, avec ses limites, ses faiblesses et ses défauts, ne serait plus à la hauteur des besoins de l'économie. Donc il y a cette tentation qui est effectivement de poursuivre la même logique. Il y a une des formules de base aujourd'hui de ce capitalisme vert qui est de dire un peu de croissance pollue et beaucoup de croissance dépollue. Donc on nous propose d'en reprendre pour un tour. Et puis, heureusement, il y a à côté ceux qui disent « oui, on va dans le mur ». Et il ne s'agit sûrement pas de prétendre sauter par-dessus le mur, mais il ne s'agit pas non plus de revenir en arrière. Parce qu'entre nous, franchement, le passé, c'était quand même pas si joyeux que ça. Il s'agit de multiplier les pas de côté. Il s'agit dans tous les domaines, sur le plan de l'agriculture, avec la relocalisation, la résaisonnalisation, une alimentation moins gourmande en eau, moins carnée, qu'il s'agisse sur le plan de l'industrie, avec l'invention d'une économie circulaire, qu'il s'agisse aussi sur le plan de la pédagogie, de la santé, de rouvrir le champ des possibles et de montrer que demain peut être mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire pour moi, ce qu'on appelle l'objection de croissance, la décroissance, l'antiproductivisme, je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire. Je dirais que tout ça, c'est sûrement pas une façon de dire aux gens, il va falloir apprendre à se serrer la ceinture, un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. Mais vous comprenez. La décroissance, ce n'est pas l'austérité. Mais vous comprenez que. Un banquier ou même un politicien qui vous dit « bon, parlons des croissances », c'est la crise cardiaque, là. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on le constate. Il y a même une difficulté, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce que l'on peut vouloir dire. C'est-à-dire que la décroissance est vécue et ressentie par les puissants comme étant finalement l'envers de la croissance. Or, il faut vraiment rappeler sans arrêt que la croissance et l'austérité, c'est les deux faces d'une même médaille. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, en tant que l'un des meneurs, des leaders, des penseurs du mouvement de la décroissance, je suis en même temps l'animateur de l'Observatoire international de la gratuité. C'est-à-dire ce mouvement qui agit pour défendre et étendre la sphère de la gratuité du service public et des biens communs. Alors quand on parle de gratuité, il s'agit bien sûr d'une gratuité construite, déjà économiquement construite. Par exemple, l'école publique est gratuite, mais elle est payée par nos impôts. Mais il s'agit aussi d'une gratuité culturellement ou politiquement construite. Moi, je travaille avec plusieurs centaines de villes, dans lesquels le maire interpelle la population en disant, compte tenu des moyens limités qui sont les nôtres, est-ce que vous préférez qu'on maintienne la gratuité du stationnement pour les voitures, ou est-ce que vous préférez qu'on adopte, par exemple, la gratuité de l'eau vitale, la gratuité de l'énergie élémentaire, la gratuité de la restauration scolaire, la gratuité de la santé, la gratuité des services funéraires, etc. Je crois que cette façon de lier à la fois le chemin nécessaire vers finalement une sobriété joyeuse, vers une sobriété heureuse, ça doit s'accompagner, je dirais tout simplement, du fait que les gens vont se réapproprier ce qui leur est commun. Je dirais la première richesse des gens ordinaires, c'est pas leur compte en banque. Quand vous avez, à l'échelle mondiale, quand vous avez un patrimoine de 5000 euros, c'est-à-dire à peu près 5000 dollars, c'est pas grand-chose, et en même temps, vous appartenez déjà aux 50% les plus riches de la planète. Si vous avez un patrimoine de 34 000 euros, là encore, c'est pas grand-chose, vous appartenez aux 10% les plus riches de la planète. Donc on le voit, le mode de vie qui est le nôtre, lié à la société capitaliste, productiviste, d'hyperconsommation, il n'est pas généralisable à 8, 9, 10 milliards d'humains. Et je dirais en bonne philosophie, comme le disait Emmanuel Kant, ce qui n'est pas universalisable n'est pas défendable sur le plan moral, sur le plan éthique. Donc il faut changer de paradigme, mais avec la conviction que demain doit être mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez pouvoir quand même, en terminant, convaincre un peu, est-ce que le changement se peut dans la mesure où, par exemple, je sais dans votre bouquin, vous parlez notamment de la publicité, on est envahi, les discours sont convergents sur le plan politique, sur le plan économique, il me semble que l'adversaire, si je puis appeler ça ainsi, est assez colosse. Mais bien sûr, l'adversaire est puissant, et puis je crois qu'il y a aussi sans doute une part de ce qu'on pourrait appeler de soumission volontaire, c'est-à-dire qu'une partie de la population, je dirais, fait avec cette société. Mais j'ai presque envie de dire qu'il suffit de regarder le développement des pathologies mentales ou le besoin aujourd'hui d'avoir des addictions de toute nature, y compris les toxicomanies, pour se rendre compte que les gens ne sont pas aussi à l'aise que ça dans cette société. Donc oui, bien sûr, cette transition écologique, cette transition vers une société du partage, vers une société plus égalitaire, il y a une infime minorité, ce que nos amis les indignés appelaient les 1%, qui seront nécessairement perdants, mais je suis convaincu que les 99% ont tout à y gagner. Il n'y a pas de grands et de petits combats. Nous avons par exemple en France, en Belgique, en Suisse, nous sommes parvenus à faire reculer la présence de la publicité et des marques dans les écoles. Il y a d'autres villes qui sont aujourd'hui des villes sans publicité. Eh bien, ça fonctionne. Et contrairement à ce que voudrait nous faire croire le système, ce n'est pas des villes laides, ce n'est pas des villes grises. Ce sont des villes où, au contraire, les gens vont pouvoir se réapproprier. Moi, je suis bien sûr pour reconnaître le droit à la souveraineté alimentaire, mais je suis aussi pour reconnaître le droit au beau dans la société. C'est-à-dire que il faut nécessairement, et c'est ce qui nous permettra finalement de gagner le plus grand nombre, il faut mettre la société en mouvement. Ce qui compte le plus, ce qui est le plus difficile, c'est sans doute le premier pas, parce que la force du système, c'est d'avoir rendu non seulement les gens ordinaires invisibles, mais d'avoir rendu les alternatives invisibles. Le poète Arthur Rimbaud, au XIXe siècle, disait, et pour lui c'était tout un projet de société, qu'il fallait redevenir des voyants. Eh bien, je crois qu'il y a la même urgence aujourd'hui, qui est de rendre visible l'invisible, de redécouvrir notamment ces autres façons de vivre, ces autres façons de penser, ces autres façons de sentir, qui sont celles, j'allais dire, de la majorité de la population, mais qui sont aujourd'hui en partie assoupies parce que l'idéologie dominante voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà, c'était Paul Ariès, très intéressant, même le moment où j'essaie d'interrompre, mais en même temps, je l'ai laissé parce que je trouvais que ça montrait bien ce que c'était. C'est d'une générosité, ça y va, on fonce. Il dit qu'il n'y a pas le fétichisme du vocabulaire, mais il y a le sens de la formule. Polluer moins pour polluer plus longtemps, quand on parle de développement durable, j'ai trouvé ça intéressant. Intéressant qu'ils remettent en question ça, parce que le développement durable, on peut se permettre de penser que, ah tiens, on s'est trouvé une étiquette qui va nous permettre de pouvoir continuer un peu ce qu'on faisait, mais en changeant la couleur. Ben pour enchérir de ce que tu viens de dire, je pense qu'effectivement, il y a le génie de la formule de M. Ariès, parce que il l'a pas mentionné dans l'entrevue, mais dans le livre, ça ressort, il sort l'expression « décroissance équitable ». C'est l'exact opposé, pas l'exact opposé, mais en tout cas, c'est un peu la contrepartie du développement durable. Puis je sais que les écologistes, depuis longtemps, sont méfiants du mot « développement » dans l'expression « développement durable ouais. », parce que ça suppose effectivement une croissance qui nous permet de continuer la pollution, comme dirait M. Ariès. Moi, je retiens, il a dit beaucoup de choses, puis il a écrit beaucoup de choses dans le livre, mais je fais lien avec la notion de gratuité qui est abordée, oui. qui est une notion très anticapitaliste, rendre des choses, des services publics là, gratuits, des biens publics. Il a fait le lien dans le livre, il en parle, avec un dossier qui est très à la mode présentement, le revenu minimum garanti. Je pense qu'en France, on appelle ça le revenu minimum universel. Lui, je trouve ça original, c'est la première fois que je voyais ça. Lui, il voit ça un revenu minimum démonétarisé, c'est-à-dire plutôt que donner de l'argent à tout le monde, puis on sait qu'il y en aura pas assez pour... ça coûterait extrêmement cher... plutôt que donner 15 000 $ à chaque personne là, sans poser de questions, ou plutôt rendre accessible un paquet de services. Il y en a déjà qui sont gratuits, des services dans nos sociétés, mais lui, il étendrait ça de façon très, très large à toutes sortes de biens et de services. Mais c'est très intéressant. Imaginez juste, par exemple, si le transport commun était gratuit, oui, si tous les musées étaient gratuits. Tu sais, tu dis, je vais y aller après-midi, ça coûte 20 $ tu dis, bah, plus sûr. Mais ça change, ça peut changer le visage d'une société. Oui, puis c'est vrai que par le fait que c'est pas monétarisé, tu n'as pas besoin de financer ça avec un paquet d'impôts, là. Chez les riches. C'est peut-être plus facile, mais moi, ça me faisait un petit peu sourire parce qu'ils réinventent des soupes à l'ancienne, ils les servent à la moderne, encore une fois, dans le sens qu'à une certaine autre époque, on appelait ça le communisme, c'est-à-dire rendre tous les services accessibles gratuitement à tout le monde. Il y a aussi quand même, quand on dit qu'il va dans toutes les directions, j'ai noté quelques affaires, tu me diras si tu as d'autres choses de ce dont tu veux parler, là, mais tu sais, les Jeux olympiques notamment, il parle des Jeux olympiques, il parle de la publicité parce qu'il dit qu'il y a vraiment une agression sur le plan publicitaire. Je trouve que ça amène des réflexions intéressantes parce que c'est vrai que les Jeux olympiques, quand tu les regardes, moi j'aime beaucoup le sport, mais l'aspect publicitaire me décourage et souvent ça m'enlève l'envie de regarder. C'est vrai que c'est partout, c'est vrai que même l'affichage, il parle des villes en disant que la publicité, elle est partout. Il parle de pollution visuelle, bien entendu, comme on a déjà lu ailleurs. Bref, c'est des thématiques qui sont intéressantes aussi, je trouve. Oui, il a tout à fait raison là-dessus. Je pense que c'est une critique qui est très pertinente, mais comme tu l'as mentionné à quelques reprises, là, c'est quand même difficile d'imaginer que du jour au lendemain, on pourrait changer les façons de faire. C'est peut-être possible, sur une longue période, de changer un peu ces habitudes-là, mais la publicité, l'hyperconsommation est omniprésente. C'est très difficile d'aller à l'encontre de ça. Ouais. Moi, j'aurais peut-être un petit élément qui me facilite, un élément parmi bien d'autres, là, mais quelque part, il mentionne que le capitaliste a eu le génie de salir des mots anciens. Puis là, ce qu'il veut dire là-dedans, c'est que on a aujourd'hui, l'économie, l'épargner, c'est devenu quasiment un péché. Là. C'est-à-dire qu'il va mentionner, par exemple... l'économe, juste celui qui épargne, fait figure de radin. Il a l'air d'un séraphin. Avant, c'était une qualité. Maintenant, c'est devenu un défaut. L'épargnant serait un loser. C'est-à-dire, si tu te mêles d'épargner, là, de rembourser tes dettes, ben, t'es un loser. C'est, moi, j'ai trouvé ça bon. Puis le super consommateur décomplexé, c'est un type sympa, c'est un bon patriote. Ça, aux États-Unis, c'est bien important. C'est important de consommer pour faire marcher l'économie et donc être un bon citoyen. Donc, ça, j'ai trouvé ça bon parce qu'encore là, il s'attaque à quelque chose d'énorme, là, mais c'est vrai, dans le fond, que ce qui était une vertu il y a à peine 50 ou 60 ans, c'est devenu maintenant un défaut parce que ça empêche le système de fonctionner. Surtout que les taux d'intérêt sont bas. Je veux dire, écoute, t'es bien mieux de consommer que d'épargner. Hein? Tu fais pas d'argent. Là, c'est pas intéressant. Il y a aussi des réflexions plus globales. Si vous lisez le livre, et honnêtement, moi, je vous le recommande, c'est une lecture qui est agréable. Vous allez probablement remarquer d'abord que parfois, ça vous semble un un peu hétéroclite. C'est des conférences, ça, c'est différentes thématiques qu'il a abordées au cours du temps. Donc, c'est bien qu'on voit une espèce d'évolution aussi, même dans la pensée. Toi, ça t'a, je sais que ça t'a frappé, là. Ben, c'est-à-dire, parce qu'on l'a mentionné d'entrée de jeu, c'est une réédition, dans le fond, d'un livre qui a déjà été publié en 2009. Donc, il va souvent faire référence à Sarkozy, parce que c'est un Français. Et ce passage-là est très intéressant, d'ailleurs. Mais les probabilités, les façons d'aborder les problèmes ont peut-être un petit peu changé depuis 7-8 ans, mais fondamentalement, le livre demeure encore très pertinent. Puis il faut dire aussi, il y a sa conclusion, son dernier chapitre, c'est une mise à jour qui a été écrite très récemment. Donc, ça permet de... Et c'est là qu'il a introduit, d'ailleurs, le revenu minimum universel, c'est démonétarisé, c'est dans son dernier chapitre. J'ai l'impression qu'il a écouté nos nouvelles aussi. Est-ce que tu avais d'autres remarques? Non, ça va pour l'instant, okay. Oui. Donc, on va faire juste une petite courte pause musicale, puis dans quelques instants, je vous lis un dernier extrait qui concerne la ville. Intéressant. Moi, j'avoue que je trouve ça amusant de mettre de la musique de Noël pour parler, essayer d'encourager les gens à moins consommer. J'aime ça, je fais de même. Donc oui, effectivement, un petit extrait que je voulais vous lire qui concerne la ville, parce que c'est intéressant, c'est un témoignage important d'ailleurs, donc allons-y. L'engagement à faire de la ville une communauté de vie est notre deuxième exigence. Un maire qui n'utilise pas aujourd'hui son pouvoir de maire pour dire non aux OGM, pour s'opposer aux saisies et aux exclusions, pour refuser l'ouverture des magasins le dimanche, pour faire appliquer la loi contre la pubtréfaction des paysages et instaurer une ville sans pub. Un maire qui continue de sous-traiter la restauration sociale, qui n'exige pas l'utilisation de produits locaux et de saison, qui ne voit pas que les cantines scolaires sont aussi l'occasion d'embaucher des personnes sans qualification, mais au rôle humain évident. Un maire qui n'impose pas la mixité sociale et ethnique, qui accepte la dérive communautariste, qui ne combat pas autant les ghettos de riches que ceux de pauvres, qui ne facilite pas l'accès à l'ensemble des quartiers, qui confond zones piétonnes et zones commerciales pour touristes. Un maire qui ne cherche pas d'abord la rénovation de l'habitat ancien, qui ne préserve pas les espaces sauvages au lieu de réaliser des parcs paysagers tracés au cordeau, qui ne défend pas la biodiversité locale, qui banalise les pollutions sonores, visuelles ou olfactives au nom de la défense de l'emploi ou de la taxe professionnelle. Un maire qui ne défend pas les cultures et coutumes locales, notamment en matière d'architecture. Un maire qui choisit de ne pas réduire le nombre et la durée de ses mandats, qui refuse toute démocratie participative ou la vide de son contenu. Un tel maire ne peut bénéficier du soutien des objecteurs de croissance. Snow is snowing, wind is blowing, I can weather the storm. What do I care how much it may storm? Got my love to keep me warm. Can't remember worst December. Watch those icicles form. What do I care? Icicles form. Got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. Who needs an overcoat? Ah là là, de la musique qui donne envie d'aller au magasin. Donc, Jean-Claude, parlons maintenant un peu d'actualité, différents éléments qui nous ont attiré l'attention cette semaine, notamment le relèvement du taux de la Fed. On parle de temps en temps de la Fed et de l'impact, même si on pense que c'est loin de nous, pas tant que ça. Oui, bien, la Fed était la Banque centrale américaine, l'équivalent de la Banque du Canada, mais aux États-Unis. En fait, c'est pas l'acronyme, mais le diminutif pour Federal Reserve Bank, la Réserve fédérale des États-Unis. Madame Yellen, on a parlé il y a quelques semaines, là, qui perd son poste de président de la Fed, sa dernière intervention publique pratiquement en poste, c'est qu'elle a annoncé un troisième relèvement du taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les taux d'intérêt sont en croissance aux États-Unis. Ouais. Ouais. Et moi, je trouve intéressant, on a dans l'actualité cette semaine, il y avait plusieurs choses dans laquelle on va établir un fil conducteur, parce que pendant que la Fed, Mme Yellen, augmentait le taux de directeur aux États-Unis, M. Pollos, lui, cette semaine, avait un discours, prononcé un discours à Toronto, je pense, mardi ou mercredi, et lui, évidemment, l'objectif du discours, c'était pas d'annoncer l'évolution du taux d'intérêt, mais du taux directeur de la Fed, mais lui, il faisait part de certaines préoccupations, et notamment l'endettement des ménages canadiens. Là, ça a l'air, il disait même, d'ailleurs, il y a trois sujets qui l'empêchent de dormir. L'empêche de dormir, c'est l'endettement des ménages canadiens. Ça l'empêche plus de dormir, je pense, que bien des ménages endettés. Puis, deuxièmement, c'était le piratage informatique. Puis moi-même, ça m'inquiète un peu quand il dit ça, parce que la Banque du Canada a peur que des pirates informatiques bousillent le système bancaire, par exemple. Ça, on pourrait être dans le gros trouble là, pendant un petit bout de temps avec ça. Puis son troisième cauchemar, si on peut dire, qui trouble son sommeil, c'est le chômage chez les jeunes. Parce qu'on répète souvent que le taux d'emploi et le taux de chômage, si tu veux, est très faible au Québec et au Canada. C'est bien, mais quand tu décomposes, quand tu regardes les différentes catégories, chez les jeunes, il est encore assez important. Et donc, lui, ça le préoccupe, M. Pollos. C'est un type auquel, moi, j'ai beaucoup de respect. Je pense qu'il fait un bon boulot comme gouverneur. C'est un type qui a réfléchi, qui a des bonnes idées, qui a une vision là, à moyen pas à long terme. Mais son inquiétude sur l'endettement des ménages, parce qu'on a présenté ici même à l'émission, disons qu'il y a quand même pas mal d'intervenants qui ont des discours qui sont plus calmes, hein, qui sont sans vouloir laisser les choses aller en disant un peu de prudence, alors qu'il y en a quelques-uns qui essayent de sonner la cloche un peu. Est-ce que lui peut réussir à réveiller du monde un peu? Bien, je pense que oui, mais on l'a dit quand on a parlé il y a quelques semaines de l'endettement des ménages, c'est que les institutions financières, il y a quasiment intérêt à dire que c'est pas si mal parce qu'ils vivent un peu, dans le fond, de prêter de l'argent. Fait qu'il faut pas prendre comme littéralement tout ce que disent les institutions financières, mais il reste que c'était la troisième nouvelle à laquelle je voulais faire le lien, le fil conducteur, c'est qu'on a vu cette semaine que le taux d'endettement des ménages a atteint un nouveau sommet. On dépasse sans arrêt nos records passés. On est rendu à 171%. On est très bon. Quand on en a parlé, je pense qu'on était à 169% du revenu disponible. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un ménage qui a un revenu disponible de 100 000 $ après impôt, il doit en moyenne, les Canadiens doivent en moyenne, les ménages canadiens, 171 000 $. Autre aussi nouvelle d'intérêt, on va y arriver tranquillement, mais c'est l'intérêt de la bombe aussi pour le tramway. C'est les sujets qui sont dans le transport collectif qui ont suscité notre intérêt cette semaine, là. Ben moi, j'ai fait deux choses, puis ça va nous permettre d'introduire la question de la semaine aussi, qui était un peu en lien avec ça. C'est que M. Labeaume m'a montré, il a pris prétexte, puis je pense que c'est correct aussi, en disant il semble maintenant que les gouvernements supérieurs, notamment le ministère des Transports du Québec, seraient prêts à subventionner là, substantiellement un éventuel tramway à Québec. Donc, M. Labeaume m'a pris prétexte de ça en disant ben ça, c'est un changement qui n'était pas dans un carton il y a à peine quelques mois. Donc, moi, je suis assez sympathique à ça. Et dans la même semaine, donc, je pense c'était hier, Mme Plante, la nouvelle mairesse de Montréal, elle opte plutôt pour les autobus. Ouais. Elle a annoncé l'achat de 300 autobus hybrides. Donc, les deux grandes villes du Québec là, semblent, en tout cas, avoir des intentions du côté du transport en commun. Moi, je pense que c'est des nouvelles quand même intéressantes et encourageantes. Ben, c'est des nouvelles intéressantes parce qu'il vient à un moment donné, c'est le fun, les slogans, c'est le fun d'essayer de pousser ses propres intérêts, mais la réalité finit par te rejoindre. Quand ça fait 150 fois que tu te fais dire par des statistiques, par des chercheurs, par des urbanistes que si tu prends la voie de l'automobile, c'est le cul-de-sac, ben, à un moment donné, il faut que tu te réveilles. Moi, je suis pas surpris de le voir amener le tramway. Il y en a qui s'en sont scandalisés en disant « Ah, ben, non, il avait dit qu'il parlait de projets structurants, sauf qu'en même temps, il dit que c'est une des options. Hein. On n'a pas tranché, il reste le tracé, il reste beaucoup de choses encore avant d'arriver là. Mais il faut voir la transition. De toute façon, la question du transport avec un T majuscule, là, c'est un dossier qui est toujours complexe. Quand vous prenez une décision, ça a une influence ailleurs sur d'autres formes de transport. Il faut penser ça sur le plan global. Donc, on peut pas arriver sur un coin de table, décider. Dans ce sens-là, je trouve ça logique et plutôt sain, de la façon que ça s'est présenté, disons. Oui, bien peut-être Par contre, pour ne pas être euphorique trop vite, il faut dire que le gouvernement du Québec a aussi dit qu'il voulait financer une étude pour le troisième lien avec... C'est ça. Fait que s'il y a un discours qui s'en va dans l'autre direction, peut-être qu'on va finir par se dire, bon, ben comme on veut investir 2-3 milliards, là, on peut peut-être abandonner cette idée de troisième lien qui, par la force des choses, si on se fie à ce qu'il y a comme étude, donnera rien. Donc, en terminant, quel pourcentage des travailleurs de Québec se rendent au travail en transport en commun, justement? Bien, je t'avoue, c'est ça, c'est lié avec ce qui vient de précéder, c'est que, donc, les enquêtes du recensement de 2016, les données du recensement disent qu'à Québec, c'est 11 % des travailleurs, de ceux qui se déplacent pour aller au travail, qui utilisent le transport en commun. Il reste que c'est très loin derrière la voiture ou la camionnette. Là, il y a 80 % des gens que c'est toujours l'automobile. Ce qui est intéressant, par contre, le transport actif, c'est dommage qu'Isabelle ne soit pas là cet après-midi. Le transport actif, donc la marche et le vélo, c'est quand même 7,6 % Donc, c'est encore l'automobile domine et c'est pour ça que le tramway serait intéressant, mais la clientèle est encore portée vers le transport. Oui, ça dépend des secteurs. Quand on découpe les chiffres, ça dépend des secteurs, mais il y a une progression, puis par la force des choses, on va finir par arriver. Merci, Jean-Claude. Je t'en prie. Donc, voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine et pour l'année 2017, d'ailleurs. Alors, un grand, grand merci, Jean-Claude, pour la saison. Plaisir. Merci beaucoup pour la collaboration, la recherche. Merci à notre invité aussi, Paul Ariès. C'était fort passionnant. On vous a présenté le livre « Désobéir et grandir vers une société de décroissance ». C'est publié chez Éco-Société. Un 240 pages de plaisir, un choix de lecture qui fait du bien et qui fait réfléchir sur soi, sur nous. Ça peut pas nuire. Donc, bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado, visiter Econophile.net. Nous prenons une pause de 3 semaines, mais nous vous offrirons en cadeau des reprises de notre émission, quelques-unes de nos meilleures, évidemment. Alors, je vous souhaite, au nom de l'équipe, de très joyeuses fêtes. Merci, on se reparle le 13 janvier 2018.